plus fort. Dallas. Et sous ton soleil implacable. Dallas. Tu ne redoutes plus que la mort. Dallas, tu te raccroches à ton passé.